Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Il est 13h33 minutes. Déjà, bonjour à vous toutes, puis bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel, la radio tout en couleur, et nous sommes ensemble toute l'après-midi. On a pu débuter l'émission avec le zouk accordéon, voilà donc, et puis on va débuter tout simplement les chansons françaises, après tout simplement d'autres chansons différentes aussi, avec on ira aussi voyager dans d'autres pays, avec, vous verrez très bien, toutes les chansons différentes. Voilà donc, eh bien, comme je vous dis, on va écouter les chansons françaises et puis juste après, ce sera avec tout simplement, eh bien, le country. Don't Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Rosalie, Rosalie, oh. Rosalie, Rosalie, ah. Mais qu'est-ce que t'as, doudou, dis donc? Une doudou, un adjoint. Trop d'amoureux les yeux, dans les yeux. Trop d'amour aux guitares et trop peu dans mon cœur. Trop de mots qui pleurent. La vie peut s'ouvrir devant moi. Devant moi, je ne vois que toi. Chaque fleur est un cri de joie, mais tu n'es jamais là. La nuit peut s'ouvrir au soleil. Le soleil est parti de moi. J'ai besoin de t'ouvrir mes bras, mais tu n'es jamais là. Si tu reviens, si tu prends mon bonheur dans tes mains, si l'amour nous inonde, il n'y aura dans ce monde jamais trop, jamais trop le soleil. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. I never claimed to be an angel, Lord knows that ain't me. And now I see the damage done, I wore my pride too free. But I gave you all I had and I stood there through the fight. You walked away so easy, but that don't make it right. You say it's just the way things go, but I still lie awake at night. You found your peace while I'm still torn. But that don't make it right. You broke a vow and broke a heart, then vanished out of sight. You think you're justified somehow, but that don't. You took the years, the hopes, the dreams, then turned and let them burn. And I was left to pick the pieces up with nothing in return. Now you've moved on like nothing's wrong in some forgiving light. But the way you left still lingers, and no, it don't make it right. You say it's just the way things go, but I still lie awake at night. You found your peace while I'm still torn, but that don't make it right. You broke a vow and broke a heart, then vanished out of sight. You think you're justified somehow, but that don't make it right. You think you're justified somehow, but that don't make it right. The sun's up high. head out to the fields where the crops grow wide. We plant soybeans, corn, and hay for the cattle too. Life on the ranch, it's hard work, but it's what we love to do. My sweetheart, come and see me after a long day's ride. In her John Deere tractor rumbling down the countryside. We'll light up a bonfire and strum some sweet tunes on my guitar too. Singing songs of love under the Texas sky with the stars shining through. Sun setting low over the hills and plains. My girl's coming home with a smile and a sweet refrain. We'll sit by the fire and pick some sweet chords on my guitar. Singing songs of love and stories of the stars shining through. Tant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, Tiago. Mon ami, Tiago.

Du soleil dans les cheveux et les yeux remplis de ciel bleu. La fleur qu'elle m'a vendue dans les rues de Napoli, Napoli, m'ont toujours porté bonheur. Et ce fleur, je les garde au cœur. La belle. Qui chantait la belle joie de l'enfant qui dansait, je sais bien que cet enfant de 15 ans qui passait dans Napoli, Napoli, je ne la reverrai plus, jamais plus, jamais plus courir dans les rues, mais je reverrai la ville jolie, je retournerai. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Voilà donc, bien, si vous prenez l'écoute, bien, nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec les chansons de toute génération. Et voilà donc, je vous laisse avec un tout nouveau titre, avec déjà un petit bonjour à Mireille Discours, avec c'est un nouveau titre, voilà, et puis juste après, on écoutera le pop et puis le rap. Bon après-midi à vous tous, à vous toutes. Sachez que la normalité est signe de banalité. Dites-moi, où est la tolérance? Moi je crois qu'on a tous une chance. Dites-moi, avez-vous une conscience? Moi je crois à la différence. Puisque mes mots peuvent choquer, je ne devrais pas les prononcer, mais dans mon cœur ils sont si purs, je peux les écrire sur les murs. Je dis oui à l'humanité, respect et solidarité. Et ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils n'ont rien vécu de ça. Moi je crois qu'on a tous une chance. Dites-moi, avez-vous une conscience? Moi je crois à la différence. Comme le goût. qu'à mes yeux tellement c'est clair l'un pour l'autre. Séparés, séparés, séparés, séparés, on ne le pourra jamais, oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Les villas, les bolidas, vivre à Santa Monica, un mec qui joue de la guitare. Tu veux Napoli, Margarita. Tu veux qu'on passe la noche sous les étoiles. T'aimes trop faire ta loquita. Et le soir tu danses comme Anita. Ah, tu me fais les couilles sans mer. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ça. Oh mama c'est tant, pourquoi t'es comme ça? Oh mama c'est tant, pourquoi t'as fait ça? Oh mama c'est tant, pourquoi t'es comme ça? Mais l'amour est... Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. je voulais aller dans un autre pays avec du côté de l'Espagne. Et puis après, ça sera la musique dance. Has vuelto Melina. cielo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz. Stars Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Et bien c'est donc une nouvelle aussi, une nouvelle chanson avec Séverine Guéry et son titre tout simplement. Et bien s'appelle Toi, tout simplement. Et puis juste après faire un petit tour avec le pop. Un ami chanteur, ton amitié me révèle mon passé, cette passion qui s'est envolée. Toi, tu m'as fait chanter la première fois. Toi, aujourd'hui tu crois en moi. Tu m'as donné envie de reprendre ma liberté, de pouvoir réaliser ce que j'ai pas pensé. Crois-moi, je serai toujours là, ma belle. La vie parfois réserve. Et même ta vie dans le noir, je te raconterai toutes ces bêtises qui un jour m'ont fait exister. Va, tu as le droit de chanter. Va, puisque telle est ta destinée. La vie est une route par un désespoir. À chaque plus long but, tu retrouveras ta tour d'ivoire. Toutes ces musiques, la toute première.

to fall. And that's why I'm half the man I used to be. Trials and tribulations, all my past trauma, generational curses from daddy and mama, heartbreaking lies, dirty soul ties, mixed with addictions that clouded my eyes. I've been mistaken and taken for granted and locked in the prison that I call my mind. And now that I've lived and I've learned and I've built and I've burnt all these bridges, I'll leave it behind. Why I'm half the man I used to be. It's gone. Takes some getting used to me. I used to think I had it all, but when you're up, all you do is fall. And that's why I'm half the man I used to be. Don't ask the reason I changed. Ask yourself why you stayed the same. I couldn't sleep in that bed I made. I needed more life. I tried every remedy prescribed. Getting drunk every night. Letting women waste my time. Now I'm in a phase. I can sleep alone. I don't ever chase. I got God. Letting go of pain that was never mine. Trying to bear the weight's not my job. Cause that's the man I used to be. And he ain't no use to me. I'm half the man I used to be. It's gone. Takes some getting used to me. I used to think I had it all, but when you're up, all you do is fall. And that's why I'm to be. Some getting used to me. I used to think I had it all, but when you're up, all you do is fall. And that's why I'm half the man I used to be. Si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouis mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu tu disparais. Malgré mes efforts désespérés, et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreurs que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et je cours toute la journée. sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Il faudra faire preuve de bravoure, monter au front en première ligne. Ô Marie, je t'en prie, fais-moi un signe. Oh, oh, oh, oh, oh. Sa dernière danse. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Puis on reste avec le rock'n'roll et juste après, toujours avec le pop rock. Carlos s'effondre. Un parfum sauvage qui fait les corps fondre. Les draps s'envolent dans une nuit trop courte. Le parfum de Spinard dans la déroute. Sur sa moto rugissante, il trace son loin. C'est la furie, un parfum qui règne entre luxe et folie. Sa peau, une force qui l'élève. Lui roule en Harley des jours entiers de feu. Le vent dans leurs cheveux, un pacte silencieux. Les draps de soirée dans une nuit trop courte. Le parfum de Spinard dans la déroute. Sur sa moto rugissante, il trace son loin. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Si vous aimez l'Italie, eh bien je vous laisse avec une chanson d'italien. Et puis juste après, on écoutera tout simplement eh bien l'harmonica et puis une chanson française. Sotto il cielo d'Italia nasce un canto, tra il vento e l'odore del mare, una voce che sussurra, sono ancora qui. sono il pane sulla tavola al tramonto, il profumo del basilico in estate, una madre che canta alla luna piena. Ho camminato per strade di pietra, portando il cuore pieno di storia, con l'anima cucita dentro la bandiera. L'anima di un italiano è fatta di sole e malinconia, di sogni lasciati tra le vigne e speranze scritte in poesia. L'anima di un italiano non si spegne mai nel vento, è un canto antico nel tempo, un amore eterno e lento. Sono la voce dei miei nonni, il sorriso nei mercati rumorosi, la lacrima dolce in una canzone. Resto fedele alle mie radici, tra un addio e un ritorno, con la chitarra e la nostalgia. E quando il mondo sembra lontano, chiudo gli occhi e sento il mio paese nel battito del mio cuore italiano. L'anima di un italiano è fatta di sole e malinconia, di sogni lasciati tra le vigne e speranze scritte in poesia. L'anima di un italiano non si spegne mai nel vento, è un canto antico nel tempo, un amore eterno e lento. Sono io con tutto ciò che amo, figlio di un popolo che canta e non dimentica mai chi è. Thank you.

comment ce bas qui sonne et qu'attaque le trombone. Les danseurs s'élancent sur la piste de danse et ça chauffe l'ambiance. Et quand rentre le saxo, c'est là que fusent les bravos. Et là tous en ligne, on s'éclate, ça swing. Et l'accordéon donne le ton. C'est cool Madison. C'est clean Madison. C'est chouette le Madison. C'est chic le Madison. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.

Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et puis donc, vous avez pu entendre tout simplement le saxophone. Et puis juste avant le reggae, on a été faire un détour du côté de la Chine. Voilà donc, et bien, je vous laisse du côté du pop. Et puis juste après, on va faire encore un petit voyage du côté avec la chanson du Pologne. Voilà donc, et bien, je vous laisse avec le pop. Et puis juste après, la chanson Pologne. Les ombres jouent leur propre loi. Les étoiles se moquent et rient. Un monde fou sans toi ici. Restaurants, you still say we're just friends, okay? Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Watching the sun melting in the sky. It won't be long until it says goodbye. Time moves fast, but I'll hold on. Cause before I know it, you'll be gone. Just look out here, it's like a dream. On and on, like you is all I need. This feeling's too good, let's fight the night. So let's stay close and never say goodbye. Just one more day with you. To be true, every moment feels brand new. Just one more day with you. This world keeps spinning, it goes too fast. It seems like this moment just won't last. Your love is hope that you get to me. Please hold my hand for eternity. You know that I go with you anywhere. Make it together if we dare. Your love's a song, it feels brand new. Just one more day, just me and you. Just one more day with you. A dream that feels too good to be true. Arrivederci, Roma. Goodbye, au revoir. Je n'oublierai jamais tes arènes, la douce fraîcheur de tes fontaines qui chantent l'amour sous ton ciel bleu. Ensoleillé, arrivederci Roma. Goodbye, au revoir. J'emporte avec moi tes ritournelles, le gai tourbillon de tes ruelles et la douceur infinie de tes nuits parfumées. avec moi tes ritournelles, le gai tourbillon de tes ruelles et la douceur infinie de tes nuits parfumées. Arrivederci, Roma. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et je vous emmène du côté du yéyé, juste après le slow. Sous la frange qui balance, une ambiance pleine d'innocence. On joue au jeu de la nonchalance. En secret se glisse l'espérance. Elle a le regard malicieux, une mèche en guise de mystérieux. Tout au long des journées ordinaires se cache une passion capillaire. À travers ses cheveux qui dansent cache des secrets et d'autres chances. Sa pince à chatouille sous la frange, un frisson, un mystère étrange. cacher. Le coiffeur murmure des complots. Avec les ciseaux et ses mots, chacune de ses mèches détachées raconte une histoire bien cachée. Et pendant que la frange vibre, nos pensées, elles, se libèrent et vibrent. Un jour sans frange, serait-ce le même jeu où le charme s'envolerait-il dans les cieux? Mais pour le moment, savourons le mystère des cheveux qui masquent l'univers. Sa pince, sa chatouille sous la frange, un frisson, un mystère étrange. Sous les airs des années, se concrète l'attention bien cachée. Dans le miroir, l'ombre d'un sourire et la promesse d'un doux va venir. Sous cette frange pleine de malice se cache un monde de délices. Qui balance une ambiance pleine d'innocence. Un soupir dans le noir du couloir et soudain digne, sans espoir. Elle tintine à bulle quand je m'ennuie sous son abat-jour fleuri. Chaque soir quand je ferme mes persiennes, elle me jette un clin d'œil en carène. Posée sur le napperon en dentelle, ma clochette frissonne, la demoiselle. Je l'effleure du bout de la moustache, elle se cambre timide et gavache. Un petit frisson, un mini carillon, et tout s'ébranle dans le sable. Et elle jouait des airs un peu déplacés. Ma petite clochette vibre dans le silence qui s'enivre. Rien de doigt, rien de fièvre. Et la voilà qui chante sans trêve. Ma petite clochette discrète a plus d'un carat que les amours. Truthfulness, you might just as well be blind. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Encore voyager avec tout simplement du côté de la Suisse et puis après on écoutera aussi avec le Tyrol. Voilà donc, eh bien, je vous laisse avec ces deux pays différents. Grün. Ja, das ist dort, wo der Hami Mädchen aus Berlin, sie blieb mir nach und die Schiffe und das Meer. Ich lieb das Lachen der Matrosen, ich lieb mir den Kuss, der war zart, schmeckt und dampft her. Alle Mädchen in Piräus, so stehe ich Abend für am Kai. Und warte auf die fände Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und da spiel mir den einen, den ich so lieb wie deinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meine Träume aus Piräus und wenn ich eines Tages mein Herz immer verliert, dann müsste einer sein von Hafen, nur so einen Bursche wünsche ich neben mir. Und später stehen meine Kinder dann Abend für Abend, genau wie ich am Kai. Und warte auf die fremde Schiffe aus Hongkong, aus Java, aus Chile und Shanghai. Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie deinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meine Träume füllen und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht mancher. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Et puis on peut encore voyager tout simplement avant d'écouter Kimoïd et puis une des chansons françaises. On va la faire un petit tour avec une chanson de Hongrois. Donc ben, je vous laisse tout simplement.

très belle. Au gué, vive la rose, bien plus belle que moi. Vive la rose et le lilas, bien plus belle que moi. Vive la rose et le lilas. On dit qu'elle est malade. Au gué, vive la rose. On dit qu'elle est malade. Au gué, vive la rose. Peut-être qu'elle en mourra. Vive la rose et le lilas. Peut-être qu'elle en mourra. Vive la rose et le lilas. Si elle meurt dimanche, au gué, vive la rose. Si elle meurt dimanche, au gué, vive la rose. Lundi, on l'enterra. Vive la rose et le lilas. Lundi, on l'enterra. Vive la rose et le lilas. Mardi, il reviendra me voir. Au gué, vive la rose. Mardi, il reviendra me voir. Au gué, vive la rose. Mais je n'en voudrais pas. Vive la rose et le lilas. Mais je n'en voudrais pas. Vive la rose et le lilas. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Maintenant que je laisse du côté de la romantique, et puis juste après le twist, et puis après on va faire un petit tour voyager avec la chanson Grèce. Comme le feu, tu bist mein Rendez-vous. Allez, tous ensemble, on claque dans les mains. Si tu veux les flous et le twist avec moi, cet air pimpant qui nous fait claquer du doigt, un maxi plouf qui fait plonger dans tes bras, un squeezie plonge avec une voix. C'est le plombi maxi flouson de l'amour, un pataclop en pétunia de toujours, comme un flambi sucré salé des beaux jours, pour nous faire danser tour à tour, tous ensemble. Twist and twist, vous verrez tous twist and twist, et vous verrez tous twist and twist. Le monde entier twisté, c'est un passeport de Falzarus en arrière, comme une bouteille en plombi flouze à la mer, un mégastron qui flotte encore à l'envers, un massif flouzeau en colère. Oui, c'est ça le flouze. Ξεχάσεις Χελιδόνη, στην πατρίδα μου που πας, να κοιτάς κάθε μπαλκόνι, κάθε πόρτα να ρωτάς, τι να γίνει το κυρφό της που να βρίσκεται ο στρατής. Αν δεν χάθηκε στον πόλεμο στρατιώτης, τον κρυφό καημό μου να του πεις. Τι να γίνεται η Ανούλα που να βρίσκεται η Φιλιό. Να της έβλεπα Χριστέ μου μια στιγμούλα στο δρομάκι το παλιό. Ξεχάσεις Χελιδόνη, στην πατρίδα μου που πας, μια καρδιά που μαραζώνει μέρα νύχτα να αγαπάς, που να βρεις και το Θοδόσης, που να είναι ο Παντελής. Χαιρετίσματα πουλί μου να τους δω, το κρυφό καημό μου να τους πεις. Τι να κάνει Αλεξάνδρα που να βρίσκεται η Ρήνιο. Φυλαχτώ μου να της πεις, έχω μια κάτρα που φορούσε στο λαιμό. Μην ξεχάσεις Χελιδόνη, στην πατρίδα μου που πας, να κοιτάς κάθε μπαλκόνι, κάθε πόρτα να ρωτάς. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Et je vous laisse avec deux titres pop et juste après du latino. Mais moi, je préfère les balades, les escapades avec mes copains dans les... 6 heures du mat pour aller traire à mes vaches. Son las 5 de la mañana, yo no he dormido nada. pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía, no viviré en paz. Oye, conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo irrespetar. No. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Et puis donc, je vous emmène du côté de la Bulgarie, des chansons Bulgarie tout simplement. And I'm gonna present you the next hit. Zik zik da dumle, dai du bala da dumle. Zik zik zik zik da dumle, dai du bala da dumle. Zik zik zik da dumle, dai du bala da dumle. Zik zik zik zik da dumle. Hey! dumle, dai dumala da dumle, zek zek zek zek da dumle. Par la même foi, tu es mon ciel, je suis ta terre, tu es mon... et je t'adore. Voici donc, il est 16h50, et bien voici donc le Zouk, et c'est sur ces chansons-là, avec le Zouk, qu'on va terminer l'émission. Voilà donc, et bien dans l'après-midi, on a un peu voyagé avec beaucoup de chansons tout simplement étrangères, et donc voilà, donc bien, j'espère que tout s'est bien passé pour vous avec toutes ces chansons. On va se retrouver donc, eh bien, mardi prochain, mais aussi on se retrouve vendredi, toujours, pareil, à la même heure, à partir de 13h30. Et puis ainsi, on se retrouve, pareil, dimanche, pour l'accordéon, et on se retrouve à 12h30. Voilà, donc, eh bien, je vous dis, bon saint à vous toutes. Sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Anunciamos a mudança de gerência do restaurante Le Tamariz, localizado em 157 Rue de Fossé, em Fleury-les-Aubrais. Toda a equipa está desejosa para vos servir. O restaurante Le Tamariz é o ponto de encontro dos deliciosos pratos do dia. Durante a semana, oferecemos três pratos à escolha: carne, peixe ou frango churrasco. Fim de semana, serviço à carta e takeaway, com especialidades tradicionais portuguesas. O horário durante a semana, das 10 horas às 15, prato do dia. After work, terça a sexta-feira, das 17 às 20. Tábuas, petiscos e merendas. Uma vez por mês, noite temática com animação musical. O Le Tamariz também dispõe de uma sala de recepção para casamentos, aniversários ou seminários. Reserve já, ligue para o 02-38-53-1473. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Restaurant Le Tamariz. Venha visitar-nos no restaurante Le Tamariz, em 157, Rue du Fossé, em Fleury-les-Aubrais. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison à aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Depois, quem lhe dá a música é o José Carlos Trindade. Por hoje estamos conversados. Amanhã regresso às 2 da tarde. Grande abraço. Até amanhã. Tuk-tuk estacionado na entrada e o barulho de uma mala de rodinhas arrastada pela calçada, pela bifa acalorada que não sabe que Lisboa tem colinas. Não coube no 28, onde o espaço é muito pouco e da baixa até à graça vai à pinha. Carteiristas e turistas corpo a corpo e culata de sardinha. É bonito ver a casa restaurada e há emprego para o menino e para a menina. Só é pena ao português não ganhar para o T13 e ter que mudar para lá da Conchinchina. Mas talvez se eu emigrar possa um dia regressar com reforma que me pague as mordomias. Internacional. Longe da vista, perto do coração. Quatro horas em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores.